J'étais et je suis plus que jamais Hitler. D'abord, parce qu'Hitler était un génie. Ça non plus, on ne peut pas le dire. C'était le dernier des imbéciles, oui. Et le dernier des imbéciles a remonté un pays du néant vers une grandeur extraordinaire en quelques années. Et cet homme-là a remporté des victoires qui sont des victoires encore bien plus importantes que les victoires de Napoléon, qui étaient des victoires d'une journée. Et cet homme-là avait battu une armature sociale comme on n'en connaissait pas en Europe à cette époque, et comme il n'y en a pas encore maintenant. Par-dessus le marché, cet homme avait, ça c'était l'occasion de sa vie, avait eu l'occasion de faire l'Europe. Jusque dans les plus minces détails, nous restons ces soldats-là. Comme nous le disions alors, et comme nous le répétons, Mein Herr, Eistreu, mon honneur s'appelle fidélité. Ceux qui ont gagné la guerre, ce sont les Juifs. Les Soviets, c'est sûr. On conquis la moitié de l'Europe, on gagné une partie de l'Asie, on consolidé à jamais leur empire colonial de Sibérie. Les Américains ont assuré leur domination dans le monde entier. Et d'ailleurs, ce n'est pas été extrêmement heureux toujours. Mais les Juifs, eux, ont eu tous les avantages. Ils ont enfin pu être des grands martyrs, ils s'avancent. C'est pas pour dire du mal des Juifs, le Juif est exhibitionniste. Il adore être un persécuté, il a été vraiment longtemps, maintenant il ne l'est sûrement plus. Mais ce rôle lui a convenu à merveille. Et quand je récapitule, je n'ai qu'un sentiment, c'est un immense regret. Regret que nous n'ayons pas réussi, que nous n'ayons pas pu créer ce monde européen qui était le maître de l'univers, qui assurait à la race blanche la première des races, la grande domination de l'esprit. Et quand nous voyons ce qu'il y a en face, ce que 30 ans de victoire des autres ont donné, cette anarchie dans le monde, cette débandade du monde blanc, cette désertion à travers l'univers, quand nous voyons dans nos propres pays la décomposition des mœurs, la chute de la patrie, la chute de la famille, la chute de l'ordre social, quand nous voyons cet appétit des biens matériels qui a succédé à la grande flamme de l'idéal qui nous animait, eh bien vraiment, entre les deux, nous avions choisi le bon côté. La petite Europe misérable qu'aujourd'hui de ce marché commun étriqué, ça ne peut pas donner le bonheur aux hommes. La société de consommation pourrit l'humanité au lieu de la grandir. Alors nous autres, moi, nous avons rêvé à quelque chose de grandiose et nous n'avons qu'un désir. Je sais que cet esprit-là renaît et avec mes forces, au dernier moment de mon existence, je lutterai pour cela. Pour ce qui fut notre combat et notre martyre,